Thank you. buying. même pas vrai, tous ces cours, c'est même pas vrai. Tu n'as pas, tu sais pas quand, même un thank you. The love comes back.